de merde. Je respecte pas le corps que Dieu m'a donné. Je profite des vestiges de la vie entre Fiji's et Monet. Je m'en fous d'être pardonné, car aujourd'hui le respect s'est envolé. La confiance s'est faite violer. Les âmes cambriolées. Depuis que les hommes et les femmes sont devenus des Arsène Lupin d'identité. Tu sais, j'avance au jour le jour et je me prends pas la tête. Je reste terre à terre depuis que mes rêves ont sauté par la fenêtre. Mon voyage au ciel, je veux que ça soit le plus tard possible. Je suis pas pressé que la faucheuse me prenne pour cible. Je vise les 80 piges, car voir réussir ma famille, c'est à quoi j'aspire. Je veux voir mes gosses sourire en m'appelant papa. Je les veux pas une fois sur deux ou pire qui ne me parle pas. Je veux être un beau mari, réglo comme un Marines. Jamais je mettrai la saloperie dans les narines. Si le succès arrive, je foutrai pas mon organe reproducteur ailleurs. Je ne suis pas un briseur de cœur, mais quoi qu'on en dise, l'infidélité arrive vite, aussi vite qu'une goutte de pluie sur une vitre. Sur la vie de ma future fille, je croquerai pas d'autres gâteaux. Si les tensions arrivent, je la couvrirai de cadeaux. D'être matérialiste, ce que j'ai à donner c'est mes principes, mes valeurs. Est-ce que mes parents m'ont appris? En toute modestie, j'ai une bonne mentalité. J'ai du respect envers autrui, je m'amuse pas à juger. À ce sujet, arrêtez les préjugés à mon égard. Ça commence à me gonfler grave l'image qu'on a de moi. Je parle pas pour les gars, vous je m'en tape. À ce que je sache, je ne suis pas du côté des trames. Et si je dis tout ça, c'est que j'en ai marre. Qu'à travers mon regard, on pense que j'ai des idées noires. Mais putain, laissez-moi loin de vos avis. Regardez avec votre cœur, non avec celui de vos amis. La critique est facile, mais l'art est difficile. Seulement aujourd'hui, tout se passe ainsi. Ce qui prime, c'est la première impression. C'est comme la zig, beaucoup croient que je suis en dépression. Sur le seul fait que je fasse des musiques calmes, on se permet de dire que je me sens mal. Et si c'était le cas, je ne serais pas là. Alors stoppez vos blabla et laissez-moi faire le style des musiques que j'aime. Et si vous n'aimez pas, ne critiquez pas, mais simplement n'écoutez pas. Je veux mener ma vie à bien, être un bon parrain. T'as fait et pas me plaindre à dire que je n'ai pas un. Je veux qu'on soit fier de moi car ça n'a pas toujours été le cas. Le passé c'est le passé, qu'importe s'il me rattrape. Une chose est sûre, c'est que l'avenir me rattrapera. Faut choix solide sur mes pattes et que je cravache. Faut une attache, en terme de taf ou faut du stable. En quelque sorte, faut que je sois assis à la bonne table. Le reste viendra, ce n'est qu'une question de temps. En attendant, je prends mon mal en patience tout en avançant.